Là j'entends pas ta guitare. Partir sur toi. 1, 2, 3, 4. Oula, oula. Attends. On va y caler, Rémi, calme-toi. Calme-toi, Rémi. On va partir sur le 1. 2, 3, 4. Qui part en live. Salam alaikum, ma soeur. Thank you.